Chapitre 5e. Il était 7 heures du matin quand la porte de la salle où l'abbé Lampquin se tenait, priant auprès du corps de Georges, tourna sur ses gonds. Thomas parut. « Monsieur le curé, » dit-il à voix basse, « le docteur Louiset est là, et puis monsieur le maire. » L'abbé n'avait pas dormi, ayant médité pendant cette sinistre veillée la douloureuse parole du plus douloureux des livres, de l'imitation. « Seigneur, rien ne se fait sur la terre qui n'ait une cause dans vous, et qui ne soit réglé par le conseil de votre divine providence. » Et se demandant pourquoi cette providence avait pu vouloir que ce beau fils mourût et que cette mère pleurât. « Un moment, » dit le prêtre. Il alla vers la porte qui communiquait à la chambre voisine, frappa, et n'entendant pas de réponse, l'ouvrit sans bruit. La lampe avait charbonné et jetait une lumière rousse sur le lit. Loisie était toujours étendue, les paupières abaissées, le nez aminci. La pauvre femme avait passé son bras autour de son épaule et, affaissée sur le tapis, à genoux, s'était endormie. Au bruit léger que fit le mouvement du prêtre, elle tressaillit, ouvrit les yeux et, tournant la tête, regarda. Elle vit son mari, se souvint et eut un sanglot. « C'est le médecin, » dit l'abbé. « Vite, vite, qu'il entre, » fit-elle en se dressant. « Attendez, je veux ouvrir les volets. » La lumière blafarde d'une matinée d'hiver glissa dans la chambre et éclaira le désordre navrant d'une nuit de douleur. Les vêtements du malade étaient à terre, pêle-mêle, à côté de la cuvette dans laquelle on lui avait lavé le visage. Madame Loisy avait compris pourquoi le prêtre lui donnait un léger répit avant d'introduire le médecin. Il revint dans la salle et introduisit le docteur et le maire. « Mais que s'est-il donc passé ?» demanda le docteur Louiset. En deux mots, l'abbé les mit au courant. D'un côté, un accident terrible, irréparable, de l'autre, une commotion cérébrale. « J'ai cru devoir saigner, monsieur Loisy, » dit l'abbé simplement, « et à son arrivée ici, on lui appliquait des synapismes. »« C'est-à-dire, » reprit le docteur, « que vous l'avez sauvé, s'il peut être sauvé. » Le docteur Louiset était un brave homme, tout rond, tout franc, à la figure joyeuse. Ce n'était certes pas un savant, et d'ailleurs il n'affichait pas de prétentions excessives. On lui reprochait même, chose rare, de se refuser toujours à droguer ses malades. Il avouait très franchement, trop franchement, pour les ignorants et les malveillants, que dans la plupart des cas, la nature seule agissait. Mais il avait la parole amicale, le regard encourageant, la main légère. En somme, on l'aimait beaucoup. Il s'était approché du cadavre de Georges, l'avait touché et d'un hochement de tête avait contresigné l'arrêt définitif. Madame Loisy, ayant ouvert la porte de sa chambre, il entra en s'inclinant. L'abbé resta seul avec le maire, M. Desroches, un gros propriétaire vaniteux, important, plusieurs fois candidat malheureux à la députation, mais au demeurant n'ayant jamais fait de mal à personne et facile à faire le bien, pourvu qu'on sût un peu flatter sa vanité. En fait, un indifférent, voire même un égoïste, il connaissait peu Loisy, l'artiste ayant négligé de lui faire les avances exigées par sa dignité, par sa position de fortune. Quand le curé lui eut répété les circonstances probables de l'accident, M. Desroches secoua la tête d'un air grave. « Ne vous paraît-il pas, monsieur l'abbé, que cette mort est bien étrange ?» Le curé le regarda avec surprise. « Je ne vous comprends pas. Un homme si jeune, si vigoureux, se noyer dans la Arvette, un ruisseau, grossi par les crues d'hiver et de plus couvert de glace, trop faible pour porter un homme, mais assez forte pour l'empêcher de remonter à la surface. Oui, j'entends bien, cependant. Enfin, j'ai envoyé chercher monsieur le juge de paix. » En vérité, il ne trouvait là rien d'étrange, et il eût été bien embarrassé d'expliquer son cependant mystérieux. Mais cette allure lui paraissait conforme à sa dignité, cela lui suffisait. « Peut-on établir, demanda-t-il, à quelle heure l'accident a eu lieu ? Vous oubliez, monsieur le maire, que nous n'avons retrouvé le corps qu'en pleine nuit, et qu'il nous était impossible, pour une foule de raisons, de nous livrer à une enquête. Je le reconnais. Cependant, selon toute apparence, c'est en revenant de Ville-Girard, où il était allé chasser, que ce pauvre monsieur Georges s'est noyé. Chassé en temps de neige, c'est défendu. Le malheureux n'a que trop expié cette contravention. Vous me demandez l'heure probable. Je crois pouvoir la fixer entre 7 et 9 heures du soir. Jamais il n'est rentré plus tard. Tout à coup, l'abbé se frappa le front. « Mais j'y pense, dit-il, nous avons un moyen de le savoir. » Le cadavre avait été déshabillé rapidement. Les vêtements mouillés avaient été emportés par Thomas. L'abbé alla à la porte et l'appela. La montre de M. Georges était dans son gilet. « Oui, monsieur le curé, voulez-vous me la porter ?» Thomas obéit. C'était une grosse montre à répétition que Georges avait achetée d'un paysan et qu'un horloger de Paris avait repassée. Un de ses amusements favoris était d'arriver doucement à la table de whist et là, penché derrière l'abbé qui s'absorbait dans les calculs des invités et des Singleton, de la lui faire sonner tout à coup à l'oreille. Georges alors gravement remontait le grand ressort qui avait un bruit de crécelle et comptait les tours, 1, 2, jusqu'à 11, où le cran s'arrêtait. « Voyez, dit l'abbé à M. Desroches, la montre s'est arrêtée à 8h03, c'est bien ce que je supposais. » M. Desroches approuva de la tête. L'abbé posa la montre sur la cheminée. « Où a-t-il déjeuné, dîné ?» demanda le maire. « C'est ce que nous saurons aujourd'hui. » Mais sans doute il n'a fait, comme d'ordinaire, qu'un seul repas chez Leriot à Ville-Girard. Le docteur sortit de la chambre de Madame Loisy, suivi de la pauvre femme qui pleurait. « Ne vous désolez donc pas ainsi, lui disait-il. Dans 8 ou 10 jours, votre mari sera sur pied. Je ne dis pas qu'il sera tout de suite aussi vaillant que par le passé, mais vous le mettrez dans du coton, et il nous enterrera tous. N'importe, vous devez un beau cierge à monsieur le curé. Son coup de lancette est un chef-d'œuvre. » Monsieur le maire se tenait devant la cheminée, un peu blessé, que Madame Loisy ne lui eût pas adressé la première les salutations d'usage. « Croyez bien, madame, se décida-t-il à dire, que je prends la plus grande part au malheur qui vous frappe. » Elle pleurait toujours, répondant par des mots entrecoupés. « Vous êtes bon, monsieur le maire, je vous remercie, c'est affreux, et mon pauvre Georges. »« Retournez auprès de monsieur Loisy, dit le docteur, pendant que je vais examiner le pauvre garçon. « Mais ne puis-je rester ?» Non, non, allez préparer les synapismes que je vous ai dit. Pensez au vivant d'abord, c'est mon ordonnance formelle. » Elle obéit, les trois hommes restèrent seuls. Le docteur rejeta le drap qui couvrait le corps. Georges apparut, dans la plénitude de sa force, avec ses épaules larges, ses pectoraux encore gonflés par l'immersion. Du reste, pas de mousse rose aux lèvres ni aux narines. Le médecin palpa les membres, dont la rigidité était complète. La mort a été rapide, dit-il. « Cependant, il a essayé de lutter, reprit l'abbé, voyez plus tôt. » Et il désignait l'excoriation du crâne. Monsieur Louiset parut surpris. Il alla à la fenêtre, écarta les rideaux pour que la lumière se projetât plus vivement sur les cheveux. « C'est la trace d'un coup violent, dit-il, voilà qui est singulier. » Monsieur Desroches s'était rapproché, curieux. « Nous pensions, dit l'abbé, que le malheureux avait tenté de briser la glace avec sa tête. Vous le savez, il était vigoureux, bon nageur. Il se sera lancé du fond de la rivière. « Oui, oui, ça doit être cela, » fit le docteur, qui écartait soigneusement les cheveux. « Aucune trace ne prouve le contraire. La glace était donc bien forte. En certains endroits, elle avait bien 5 ou 6 centimètres d'épaisseur. « Ah, monsieur Berthemont, » fit le curé en apercevant l'ancien notaire qui y entrait sans bruit. « Eh bien, comment va Loisy ? « Il est sauvé, » dit le docteur, quittant le cadavre, pour venir serrer la main de l'arrivant. « Mais les suites seront longues, très longues. Je crains l'hémiplégie. » M. Berthemont et M. Desroches avaient échangé un salut des plus froids. Il semblait même que la présence du notaire gêna M. le maire, qui, se tournant vers le docteur, lui dit « Vous aurez l'obligeance de préparer votre rapport, n'est-ce pas, docteur ? Je suppose que M. le juge de paix sera ici vers midi. Aussitôt qu'il aura statué, nous pourrons fixer la date de l'inhumation. Je suis à vos ordres, monsieur le maire. » M. Desroches salua et sortit. À quelle heure croyez-vous que l'accident ait eu lieu ? Demanda le docteur à son tour. Voici la montre arrêtée à 8h03. Du matin ou du soir ? Oh, du soir, certainement. Il répéta les explications données tout à l'heure à M. Desroches. J'insiste un peu, dit le docteur, parce que, à première vue, le corps me paraît avoir passé dans l'eau plus de temps que ne l'indique cette hypothèse. En vérité, il est vrai que les symptômes n'ont rien de positif, mais enfin, il est de règle presque absolue que la décoloration de la peau des mains et des pieds ne se produit qu'après un temps assez long, surtout en hiver. Or, regardez, en effet, la partie supérieure des mains de Georges était d'une blancheur mate, anormale, tranchant sur la masse générale de la peau. De même, la plante des pieds. En été, continua le docteur, ce caractère s'établit quelquefois au bout de 5 ou 6 heures. Mais en hiver, je suis convaincu, et les autorités sont formelles sur ce point, qu'il faut au moins 12 ou 15 heures. Voyons, fit M. Berthemont, nous n'avons jusqu'ici qu'un seul indice à cet égard. son frère la conduit le matin vers 8 ou 9 heures auprès des Chaumes. De là, Georges se serait dirigé à travers les bois jusqu'à Ville-Girard, où, sans doute, il aurait déjeuné, puis ce serait à son retour, à la nuit tombée, qu'il serait revenu vers l'Arbette. Là, trouvant le pont détruit, il a tenté de passer sur la glace qui a cédé sous ses pas. Admettons cependant qu'il fût revenu plus tôt. Ce ne serait toujours pas avant 4 ou 5 heures. Et le corps a été retiré à 1 heure et demie environ, ce qui, au maximum, donnerait 9 heures de séjour dans l'eau. Je crois que jamais cette décoloration ne s'est produite aussi rapidement, surtout dans une eau glacée. Enfin, je ne suis pas impeccable, loin de là. Le détail est malheureusement de peu d'importance. Du reste, son frère Abel peut vous expliquer lui-même. « Me voici !» dit une voix. Les hommes se retournèrent vivement. Abel était entré sans qu'ils l'eussent entendu. Très pâle, les paupières rougies, le jeune homme semblait encore plus émacié, plus débile que de coutume. Cependant, il se tenait droit, ferme, dans une résistance nerveuse de tout l'être. Son apparition avait causé une impression singulière et inexpliquée. Des 3 hommes qui se trouvaient là, pas un n'éprouvait pour lui une sympathie vraie, complète. Le médecin lui portait pitié, comprenant mieux l'infirmité de cette nature incomplète. L'abbé, essentiellement bon, se contraignait lui-même à ne pas étudier de trop près cette humilité qui ressemblait si fort à de l'hypocrisie. Quant à M. Berthemont, il n'aurait pu formuler contre lui aucun grief. Instinctivement, il se défiait. Il est bien entendu que ses sentiments, aussi nettement exposés, n'étaient chez ces 3 hommes qu'à l'état latent. En fait, il lui témoignait, et très sincèrement, l'affection que lui méritait la bonté placide de son père et aussi l'universelle sympathie qui s'attachait à son frère. Ces infiniment petits de la conscience ne se révèlent qu'en certains moments de subite émotion, d'où le mouvement de surprise, d'où le souffle froid qui avait passé sur l'abbé et ses 2 compagnons. « Mon pauvre Abel, dit le curé, nous cherchons à reconstituer les circonstances du terrible accident qui t'a privé de ton frère. » Il le tutoyait depuis l'enfance, l'ayant porté sur les fronts baptismaux. « Hélas, fit Abel, qui saura jamais, c'est affreux. » Et des larmes jaillirent de ses yeux rougis. Ses pleurs, sincères, car ils étaient la résultante d'un ébranlement nerveux, émurent le docteur qui s'écria. « Ne troublons pas ce pauvre garçon. Il a déjà assez de chagrin, sans que nous retournions le faire dans la plaie. « Voudriez-vous donc quelque chose de moi ?» reprit Abel, qui tremblait maintenant, secoué tout entier, par une sorte de convulsion générale. « Oh, adressez-moi toutes les questions que vous voudrez. « Au contraire, cela me soulagera de parler. » « Tu nous as bien dit, reprit l'abbé, que tu avais conduit ton frère auprès des Chaumes. » « Oui, cela est vrai, répliqua nettement Abel. « Donc tu ne crois pas qu'il soit parti par le chemin de l'Arvette ?»« Non, certainement, c'est par là qu'il devait revenir. » « Vous voyez, docteur, reprit l'abbé, s'adressant au médecin, « vos observations doivent vous tromper. »« Quelles observations ?» demanda brusquement Abel, dont la voix reprit tout à coup la roussité dure qui lui était habituelle. « Il me semblait, répliqua le médecin, que la mort devait remonter à la matinée d'hier. « C'est impossible, impossible, affirma Abel. Il a certainement chassé toute la journée. « C'est possible, après tout. À ce propos, comment donc se fait-il qu'il ne porta pas son carnier ? Georges était trop adroit pour n'avoir rien tué. Ce serait, je crois, la première fois. Abel ne répondit pas. Il s'était approché du lit improvisé, et là, debout, il regardait la figure pâle du mort. Ses yeux étaient fixes, sa bouche serrée. « Embrasse-le donc une dernière fois, » dit l'abbé. Abel frissonna de la tête aux pieds, mais, forçant ses muscles à obéir à sa volonté, il se baissa lentement, comme si ses membres ankylosés refusaient de se plier, et ses lèvres se posèrent sur le front du mort. Mais en même temps, un hoquet guttural, atroce, jaillit de sa gorge. Il trébucha, et fut tombé sur le cadavre si M. Berthemont ne l'eût saisi dans ses bras. Il resta près du lit à genoux, les yeux fermés, les poings crispés. Madame Loisy entra. Elle était accompagnée de Gabriel, vêtu de deuil, qui était venu avec son père. Le médecin obligea Abel à se relever, ne voulant pas donner à la mère cette angoisse d'un double désespoir. « Docteur, dit Madame Loisy, voudriez-vous aller voir mon mari ? Il me semble que le mieux se prononce déjà. » Tout à l'heure, ses lèvres se sont agitées comme s'il allait parler. « J'y vais. Et puis je vous demanderai la permission de me retirer pendant quelque temps. J'ai à rédiger mon rapport et à visiter quelques malades à Longpré. » « Je sors avec vous, » ajouta l'abbé, Il faut absolument que j'aille jusqu'à la cure. » Madame Loisier adressait à tous des remerciements émus. « Je vais emmener Abel, » lui dit le curé à voix basse. « Voyez-vous, j'aurais peur que son désespoir n'influât sur sa santé. Je vais trouver un prétexte. » Mais Abel se refusa de le suivre. Il voulait rester auprès de son père. Qu'on ne craignait rien d'ailleurs, il serait fort, il saurait maîtriser sa douleur. Sa mère l'appela auprès d'elle et doucement le contraignit de s'agenouiller à ses pieds, posant sa tête sur ses genoux. Elle passa ses doigts dans ses cheveux et lui dit « Pauvre cher, ton père n'a plus que toi. Tu l'aimeras bien, n'est-ce pas? Songe-y, tu seras tout son bonheur désormais. » Abel leva vers elle ses yeux bleus où passa une flamme. « Oh oui, je vous aimerai, et vous m'aimerez aussi. » « Comme deux enfants en un seul, » ajouta Madame Loisy en l'embrassant avec effusion. Le docteur appelait Madame Loisy de l'autre pièce. Elle se leva vivement, Abel la suivit. Gabriel alla vers M. Berthemont, qui était resté silencieux, appuyé à la cheminée. « Père, » lui dit-elle d'une voix rapide, « je ne veux rien te cacher. J'aimais Georges et je mourrai de sa mort. Toi, mon enfant ?» Une angoisse terrible serra la poitrine du père. Quel nouveau malheur allait donc le frapper ? Et il t'aimait? Oh oui. Il te l'avait dit? Non, non, jamais, fit Gabriel en rougissant. Mais je le savais, je l'avais deviné. Moi non plus, je ne lui avais jamais avoué l'affection profonde que je lui portais. Mais à quoi bon? Nous nous comprenions bien, va. Je lui avais donné tout mon cœur. Il était si franc, si bon. M. Berthemont eut un soupir d'indicible soulagement. Il posa ses lèvres sur le front de sa fille. Pauvre enfant, pleure-le bien, il le mérite. Que ne m'as-tu parlé plus tôt? Cet horrible malheur ne serait peut-être pas arrivé. Gabrielle tressaillit. Une étrange pâleur se répandit sur son visage. Elle mit ses bras autour du cou de son père, et haussant ses lèvres jusqu'à son oreille, elle lui dit tout bas, si bas que sa voix n'était qu'un souffle. Et si je te disais que je ne crois pas à un accident? Gabrielle, chut, voici Madame Loisy.